Big Brother in Games. Big Brother in Games. Bonjour et bienvenue dans l'émission Brother in Games, l'émission qui fait vibrer ton casque comme un moteur de Ferrari. Nous voici devant les micros et aujourd'hui, rien n'arrêtera notre furie. Et oui, parce qu'avec l'équipe, on a décidé de résister au joug de la censure. L'actualité est libre et la populace doit le savoir. Enfin bon, hein, à mes côtés, les défenseurs, les remparts, les derniers samouraïs, hein, même. Clément, qui aux dernières nouvelles serait un descendant de Rambo et dont la résistance aux balles permet des batailles épiques. Bonsoir, je vais tous les tuer. je l'avais dit, un fier descendant. Son histoire est similaire à celle de Sasuke Uchiwa, mais son but est différent. Le justicier de l'orphelin et du jeu indé, j'ai nommé Captain Adé alias Adri. Ouais, c'est ça, Captain Adé, on va dire ça comme ça, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, ça va, c'est cool, hein. Ça va. Le dernier est plus gourmand que Sandy de la chaîne des Cassos, plus souple que le vent et aussi résistant que le bambou. C'est Monsieur Esclave, alias Ben. Voilà, comme d'habitude, c'est moi qui me fais avoir. Comme d'habitude. Je ne sais tu pas sais pourquoi, que... j'ai l'impression d'être le bisu de cette émission. Alors mais que non, c'est, moi, c'est... Un... c'est mon petit plaisir caché, tu vois. Ouais. Bon, bah, du coup, bonsoir à tous. Bonjour. Enfin, plus résistant que le bambou, cette blague, sérieux. Encore un grand merci en tout cas à Daily Games qui nous permet de faire cette émission. N'oubliez pas qu'on a une page Facebook et qu'on poste pas mal de choses dessus, hein, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer au développement de l'émission. D'ailleurs, en parlant de nouvelles, il faut savoir qu'avec l'équipe, on va vous proposer une nouvelle émission la semaine prochaine parce que, bien évidemment, une émission d'actu d'une heure, c'est compliqué à vous produire. En tout cas par semaine, et donc on va faire une émission qui gardera le même nom mais qui sera plus basée sur des sujets libres, des débats et aussi des petites chroniques quand le cœur nous en dira. Donc voilà, maintenant que vous êtes au courant, on va pouvoir commencer ce que tout le monde attend, c'est bien sûr le descendant de Rambo qui va nous dire ce qu'il a trouvé dans son bush. Bonjour, et aujourd'hui dans ton bush, on va parler des LCS, comme d'habitude en fait. On va parler seulement des LCS Europe et des LCS NA. Parce que c'est deux ligues qui ont fini leur saison, et donc on va arriver aux playoffs. On sait quelles équipes sont qualifiées pour les playoffs. C'est pas encore le cas de la ligue chinoise et de la ligue coréenne, où il reste deux semaines de compétition. Donc je commence tout de suite avec l'Europe. On a Gamers2, qui a fini premier avec 15 victoires et 3 défaites. Derrière, on a H2K, à 14 victoires et 4 défaites. Team Vitality, à 13 victoires et 5 défaites. Origen, 11 victoires, 7 défaites. Unicorn of Love, 10 victoires, 8 défaites. Fnatic, 9 victoires, 9 défaites. Donc ça, c'est les 6 premières équipes. Et le numéro complémentaire est... c'est vraiment ça. Tu veux pas qu'on te mette une perruque et des talons? Non, c'est rare. Allez. Et on parle de Rambo, là, quand même. Pardon. Bah ouais, ça pourrait faire un bon contraste. Hein. Donc les 6 premières équipes, c'est les 6 équipes qui sont qualifiées au playoff et qu'on va retrouver pour la phase finale pour savoir qui est vraiment le grand vainqueur de l'Europe. Derrière, on a en 7ème, on a Elements, à 6 victoires et 12 défaites, qui n'est pas qualifié pour les playoffs, mais qui est juste qualifié pour rester en LCS pour le prochain split. Et on a Splice, Rocket et Giant, qui ont réussi à gagner que 5, 4 et 3 matchs respectivement. Et bah ces 3 équipes sont qualifiées pour le Promotion Tournament, c'est-à-dire pour essayer de rester en LCS pour le prochain split. Donc on verra si on garde ces 3 équipes ou si on a des nouvelles équipes de Challenger Series qui arrivent à prendre leur place. Donc par rapport au début de saison, j'avais déjà annoncé quelques points, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé, c'est Gamers2 qui me surprend le plus, puisque je les annonçais pas du tout premier, moi je les annonçais plutôt en milieu, voire fin de classement, et ils ont quand même réussi à gagner 15 matchs pour seulement 3 défaites contre H2K, Vitality et Fnatic. Donc ils ont fait une très bonne performance, et même Young Buck, l'entraîneur des Gamers2, a été élu meilleur coach. Ça fait plaisir. Et donc pour Young Buck qui a eu beaucoup de mal en tant que joueur, on se rappelle de ses performances assez moyennes. Oh oui. Et bah il est devenu meilleur coach, donc il est mieux en tant que coach qu'en tant que joueur, je pense. Oui, complètement, ouais. Clairement, en tant que joueur, c'était absolument horrible de le voir jouer. À chaque fois, tu te disais, mais punaise, mais qu'est-ce que c'est que ce move et tout ça. Et là, maintenant, au moins, maintenant, il y a une équipe pour le supporter. Enfin, une équipe de joueurs qui jouent mieux, en fait, donc c'est bien aussi. Et c'est vrai que moi aussi, c'était la grosse surprise, c'était Gamers2, mais dès le début en plus du split, hein, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé sur les dernières émissions, mais ils ont fait un début de split magnifique, et un split total au final qui est magnifique. Oui, complètement. Seulement 3 défaites, et 3 défaites pas contre des petites équipes, puisque H2K et Vitality sont respectivement 2e et 3e, donc juste derrière. Et la dernière, c'est Fnatic qui est un peu plus en milieu de classement, mais c'est une très bonne performance de Gamers2. Et la deuxième surprise pour moi, c'est la 9e place de Rocket. Cette année, j'attendais Rocket plus haut. J'avais même trouvé qu'en début de split, ils étaient pas mauvais, mais ils avaient eu du mal sur leur premier match, et au final, ils ont réussi à gagner que 4 matchs. Je trouve ça assez décevant. Et je m'attendais à beaucoup mieux de leur part. Mais bon, ils ont eu beaucoup de problèmes, ils ont eu Edward qui a eu des problèmes de visa, c'est une équipe qui a eu assez peu de chance encore sur ce split, et je sais pas si on trouvera Rocket un jour en haut du classement, mais à chaque fois je les attends, et à chaque fois ils ont du mal. Donc voilà. J'ai déjà dit, on connaît les six équipes qui sont qualifiées pour les playoffs. Et l'équipe qui gagnera les playoffs devra représenter l'Europe au MSI qui se déroulera en mai. Et donc, personnellement, moi j'aimerais que ce soit, même si Gamers2 a fait un très beau parcours, j'aimerais que ce soit la team Vitality qui représente l'Europe, parce que je trouve que leur style de jeu est assez propre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que t'entends par assez propre, en fait? Alors, ils ont un mauvais early game, mais ils ont une macro game, comme on dit. C'est un kill, un objectif. Et c'est assez rare de voir ça sur les équipes européennes. Ouais, en fait, c'est surtout au niveau des objectifs, des rotations. Enfin, ils sont vraiment au point là-dessus. Après, bon, je pense que c'est plus un problème de niveau de jeu de chaque joueur, tu vois, de niveau de chaque joueur, de niveau de skill, plus qu'un niveau de l'équipe en général. Parce qu'au niveau de l'équipe en général, ils ont quand même clairement, c'est ça, c'est propre, quoi. C'est de la rotation qui est faite comme il faut, du map control qui est fait comme il faut. Ils sont bons sur les timings, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. C'est le timing et puis la stratégie aussi, tout simplement. La stratégie, ils ont un très bon entraîneur, hein. Sean, c'est quand même, oui, je pense, l'un des meilleurs entraîneurs en Europe actuellement. Donc, il est moins fort que Youtbuck, hein, mais je pense qu'il est très efficace. Ça a toujours été son dada, en plus, tout ce qui était rotation et tout ça. Exactement. C'est vrai. Mais ne perdons pas de vue les news. Donc, ma question, hein, de fin de présentation de ce LCS Europe, qui vous aimeriez voir gagner le Spring Split? Dans les 6 équipes possibles, donc je répète, Gamers2, H2K, Vitality, Origin, Unicorn of Love ou Fnatic, qui vous aimeriez voir représenter l'Europe au MSI et se battre donc contre les meilleurs Coréens, les meilleurs Chinois et les meilleurs Américains et les meilleurs de la LMS? Ouais, c'est vrai que Vitality... Et Ultimo et Card aussi. Ouais. C'est vrai que Vitality est quand même vachement sympa à regarder. J'avoue, je regarde pas tous les matchs en ce moment, mais Vitality est quand même vachement sympa à regarder. Après, il y a toujours un peu mon fanboyisme pour le Fnatic. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, fanboyisme. Fnatic, ouais, j'aurais bien aimé aussi. Origin, pas du tout. Pas sur ce split-là, en tout cas, je les trouve pas au point. H2K, j'ai jamais trop aimé leur style de jeu. Donc j'aurais dit ouais, Vitality, Fnatic ou Unicorn of Love, personnellement. Ouais, je pense que mon choix, moi, ce serait Unicorn of Love, parce qu'il serait capable de créer la surprise. C'était à la grande époque, hein, Unicorn of Love aimait bien créer la surprise après. Les joueurs ont changé depuis, donc je sais pas. Mais ça, c'est quand même resté un point fort de l'équipe de ramener avec une line-up sortie de nulle part, et au final réussir à déstabiliser les adversaires, à faire en sorte que ça marche. Tu vois, c'est ça. Après, oui, c'est vrai que... Pour le coup, ça s'est pas passé depuis un moment. Exactement. Et Adrien? Ouais, pour copier sur mon voisin, je vais dire aussi Vitality et Fnatic. Bon, Vitality, j'ai pas encore vu beaucoup de Game 2 et c'est purement par Cocorico Franchouillardise qu'autre chose. Le supporter de Sean, c'est Cabochard. C'est ça. Et pour Fnatic, bah, c'est pour mon fanboyisme, pour suivre les dernières news de la langue française selon Benjamin, fanboyisme. Donc ouais, voilà, Vitality et Fnatic, clairement. Je pense que... Oui, on m'a accusé déjà avant, donc je suis plus à ça près. Pour moi, s'il y a deux équipes qui peuvent lutter contre les Américains et les Coréens, parce que les Chinois, de toute façon, ils vont chier dessus, on est bien d'accord. Comme d'hab. Voilà, ce sera ces deux-là. Ok, bon bah... Maintenant qu'on a vos points de vue, je vais passer au LCSNA, où je vous poserai la même question à la fin. Donc écoutez. Personne. La réponse, c'est personne. Clairement. Donc d'abord, bon bah je vais passer direct au classement au LCSNA. Hein. Les premiers, ça a été Immortals, qui ont tenté de faire une Fnatic, mais ils n'ont pas réussi puisqu'ils ont 17 victoires et une défaite. Ils n'auront pas non plus atteint le record de Fnatic. Et Winnie et Rainover doivent être assez déçus, mais bon, ils auraient bien aimé avoir deux fois le record, je pense. Derrière, on a CLG, qui a 13 victoires et 5 défaites. Cloud9, à 12 victoires, 6 défaites. Team Liquid, à 10 victoires, 8 défaites. NRG eSport, à 9 victoires, 9 défaites. Et TSM, à 9 victoires, 9 défaites. Donc, égalité. Donc là, j'ai cité les 6 premiers qui seront au playoff. Comme tout à l'heure, on a le 7ème, c'est EcoFox, avec 6 victoires et 12 défaites, qui n'est pas qualifié pour les playoffs, et qualifié juste pour le Summer Split. Dans les 3 dernières équipes qui devront passer par le Promotion Tournament pour rester en LCS, on a Renegades, Team Impulse et Team Dignitas. Donc voilà, ça c'est les équipes de fond de classement américaines qui ont fait 6 victoires, 5 victoires et 4 victoires. Donc du côté de l'Amérique du Nord, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est Immortals. Même s'il y a Uni et Rainover qu'on sait être des très bons joueurs, bah, je pensais pas qu'on verrait un White Turtle à ce niveau-là, qui est considéré comme actuellement comme le meilleur ADC en Amérique, et avant il était plutôt... Quand il était chez TSM, on parlait régulièrement de son niveau de jeu, il était régulièrement critiqué justement pour son niveau de jeu. Aujourd'hui, il a un niveau de jeu vraiment élevé, c'est ce que je voulais dire. Mais vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que White Turtle, là, sur ce split-là, il est... franchement, il est impressionnant, quoi, parce que quand même, à la base, chez TSM, il s'est fait virer, clairement remplacé par Double Leaf. Et tout le monde disait, mais c'est ça le point faible de TSM, quoi, c'est lui, virez-le. Et là, le mec, il arrive, 17-1 avec sa team, des ratios, des KDA qui sont magnifiques, un placement sur les games, franchement, qui est vraiment bon sur les teamfights. Donc, vraiment impressionnant sur ce split-là, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi, il faut qu'il change d'équipe pour trouver ça, c'est un peu moche. Non, mais je suis tout à fait d'accord, en plus, pour revenir à TSM, eux, ils doivent être très déçus d'avoir perdu le Wild Turtle, parce que eux, ils ont plutôt du mal, hein. Avec 9 victoires, 9 défaites, c'est quand même un score assez mitigé, surtout quand on voit que c'est une équipe composée des très grands talents européens, et américains aussi un peu, puisqu'il y a quand même Bjergsen, qui est considéré comme l'un des meilleurs midlaners européens, Yellowstar qui est considéré comme l'un des meilleurs supports mondiaux, et Svenskeren qui était un très bon jungler, avec Double Lift qui était considéré avant comme le meilleur ADC Des petits joueurs, quoi, d'Amérique du Nord. Donc en théorie, sur le papier, c'est la meilleure équipe, quasiment. Et encore une fois, hein, c'est pas la première équipe qui nous démontre ça, que on a beau avoir les meilleurs joueurs, mais c'est pas pour ça qu'on gagne tout, puisqu'on peut se souvenir de Alliance qui avait eu de belles déconvenues, était sur le papier la meilleure équipe européenne à l'époque, ou actuellement une autre équipe, hein, qui doit être l'équipe qui vaut le plus cher. Je ne pense pas à l'équipe chinoise LGD, qui remonte doucement à son classement en Chine actuellement, mais on peut pas dire qu'ils ont les performances qu'on attendait d'eux. Pour une équipe qui a acheté Marine à $1 million et qui a des gens comme Godvi ou PYL ou Imp dans son équipe. Une fois de plus, hein. On peut avoir les meilleurs joueurs du monde, si on les met ensemble et qu'ils sont mal managés, ou qu'ils ont pas envie de jouer ensemble, on sait pas pourquoi TSM n'y arrive pas, mais c'est pas pour ça qu'ils gagnent tout. Donc moi, pour finir sur CLCS NA, je pense que Immortal va se qualifier sans trop de difficultés. Alors ils ont pas joué beaucoup de styles de jeu, ils en ont joué quasiment qu'un seul. Enfin, une seule compo, à peu de choses près. Et personne n'arrivera à les battre, ils ont juste eu une défaite. Et donc, pense pas qu'ils vont perdre pendant les playoffs. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, clairement, pour moi, c'est sûr, Immortal qui passe. Clairement, ils vont gagner. Après, je verrais bien NRG. C'est NRG eSport, hein, ça, le nom total du truc. C'est ça. De la team. Parce que je les ai regardés jouer, je les ai trouvés vachement sympas à jouer, enfin, à regarder en tout cas. C'est une team aussi composée de grandes stars, hein, puisqu'on on a Impact et on a Piglet. Ouais. Ouais, non, mais NRG, ouais, j'ai bien aimé. Et donc je dirais Immortal et NRG. Après, bien sûr, clairement, si on regarde au niveau des stats, et si on est un peu moins, si on suit un peu moins son cœur, je dirais que c'est Immortal premier, c'est Cloud9 deuxième. Et CLG 3ème, je pense, à la fin des playoffs. Personnellement, je pense que c'est ce qui va se passer. On verra bien ce que ça donne. Après, c'est toujours pareil, hein, dans Immortals, t'as Uni qui peut toujours tilt comme il faut. Les performances de White Turtle sont très bonnes ce split-là, mais le split dernier, c'était vraiment pourri. Donc est-ce qu'il va pas aussi, à un moment, péter un poitier une durite et repasser à son ancien style de jeu? Des choses qu'on peut pas trop prédire, quoi. Mais sinon, ouais, Immortals. Donc tout ça pour dire Immortals, au final. Ouais. Ouais, parce que donc là, tu viens de nous faire un speak de 2 minutes en mode tu as ouvert ton cœur à tous les auditeurs et au final, c'est pour dire la même chose que Clément. Mais en fait, c'est pour montrer qu'il connaît bien la ligue nord-américaine. Ouais. Mais non, c'est même pas ça. Oui, l'analyse, t'es pas dégueu. Voilà, merci. Merci. Non, mais c'est surtout parce que Immortal, j'ai une IR et Nover et que je les adore, donc voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, pour ma part, je suis pas les NA, donc... D'accord. Moi, je vais te donner un exemple d'analyse. J'ai déjà du mal à suivre le LCS-EU, donc du coup, le NA, j'ai quasiment rien suivi, donc je ne me prononce pas. Ça, c'est une putain d'analyse, tu vois. T'es magnifique. On en veut plus, c'est comme ça. C'est aussi un point de vue. Hein. Ne pas se prononcer, c'est des fois la meilleure solution pour ne pas perdre. Voilà. Plutôt que de dire de la merde, je vais me taire. Ok. Bah, en tout cas, je vous remercie de votre participation. Et puis, Julien, je vais pouvoir te rendre la parole. Oh. Oh, c'est si poliment dit. J'ai pas l'habitude, les mecs. Je pense que je vais verser une petite larme si ça continue. Calme-toi, quand même. En tout cas, merci hein, pour cette rubrique dans ton bush qui s'améliore au fur et à mesure. Hein. Je dois te le dire, je suis très fier de vous. Oh, merci. Je sais pas quoi dire. Oui, non, mais tu vois, hey, te prends pas trop la tête non plus. Hein. Enfin bon, tout de suite, on va partir en musique pendant quelques minutes et puis on se retrouvera pour le GIGN avec Adri. Et la musique, en parlant d'elle, c'est Angry de Rob Bailey and the Assault Standard. Catch my breath, and I know the weight of the world can crush my chest. Cause I'm hungry. I kill cause I'm hungry. sur deux, l'équipe de Brother in Games vous propose un rendez-vous actu sur le monde de l'e-sport. De la scène indépendante, des jeux vidéo, des potins croustillants sur les grandes compétitions de jeux en tout genre. Et pour finir, découvrez le monde fantastique des mangas et animes japonais. De retour sur Brother in Games, et oui, c'était Hungry de Rob Bailey and the Hustle Standard, et c'était vachement bien. En tout cas, nous, c'est le son que l'on aime, que l'on écoute à chaque fois que l'on regarde une compétition de LoL avec les copains ou qu'on joue à LoL aussi, hein, d'ailleurs, il faut avouer. Mais maintenant, il est temps d'aller sauver la veuve et le jeu indé. Il est dark, il est puissant, mais il est là pour vous, c'est Captain Indé, Adri. Alors bah justement, tiens, pour rebondir sur ta dernière phrase, aujourd'hui ça va être un petit peu dark. Je vous ai testé un petit jeu qui est sorti le 12 janvier 2016 et qui s'appelle That Dragon Cancer. Alors ça annonce tout de suite la donne. J'avoue, ouais. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu qui a été développé par Ryan et Amy Green, qui sont deux Américains, et qui en fait raconte l'histoire de leur fils Joël, 4 ans, qui a été atteint d'une forme plutôt rare de cancer apparemment. Et en fait, ils ont plusieurs enfants et tous ne comprennent pas en fait vraiment la situation. Et en fait, bah, du coup, les parents se mettent à expliquer que Joël se bat contre un dragon et que ce dragon s'appelle Cancer. Donc voilà, ça c'est pour la bonne ambiance. J'espère que vous êtes tous chauds. Non. Il y a plus personne. Ça y est. J'ai envie de pleurer. Non, c'est pas grave. Sortez des mouchoirs et tout. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un petit jeu qui a été sorti pour la petite somme de 14€, qui a été financé sur Kickstarter par des gens qui ont été émus par leur histoire. Et donc, en fait, c'est un espèce de point and click, mais qui joue c'est à la première personne. Donc, des fois, on incarne le père Ryan, des fois, on incarne la mère Amy, des fois, on incarne l'enfant, des fois, on incarne même, je dirais, une caméra externe à l'histoire. Et donc, on va passer par toutes les étapes, en fait, que la famille a traversé. Donc on va avoir la petite enfance de Joël, le commencement avec les traitements, les rechutes, les sentiments qu'ont le couple vis-à-vis de tout ça, qui est vachement intéressant en fait, parce que du coup on se retrouve avec des réflexions sur l'espoir, des réflexions sur la religion. C'est assez lourd, j'en conviens, mais c'est vachement intéressant. Les graphismes de ce côté-là, ça a été fait par Ryan. C'est ultra simple, hein. On est sur du graphisme, c'est modélisé de façon cubique, donc c'est joli, mais c'est voilà, il n'y a pas de finition. Même les visages d'ailleurs sont sans nez, sans bouche, enfin c'est très impersonnel. La musique, elle fait vachement contraste avec tout ça, parce que elle est au contraire très intimiste. C'est beaucoup de petites musiques au piano, en fait. Bah, de toute façon, c'est pour te mettre dans l'ambiance, hein. On va pas avoir de la musique de cirque, hein. Vous en doutez bien. Alors, c'est une petite histoire comme ça qui dure 2 heures. Il y a quasiment aucun enjeu vidéoludique. Je veux dire, vous allez pas pouvoir débloquer une bonne ou une mauvaise fin. Vous allez pas avoir de score à faire. C'est vraiment, vous suivez l'histoire en fait, c'est vraiment une histoire qui est racontée de façon interactive. Alors je me suis fait ça d'une seule traite, j'ai fait les 2 heures d'un coup. Au bout des 2 heures, j'étais calmé. c'était très joli et en même temps très triste. Le truc est blindé de témoignages qu'on va retrouver à travers des conversations qu'ils ont eues avec les docteurs, à travers des lettres qu'on va voir dans certains niveaux, ou des choses comme ça. Donc voilà, ça t'aide à te sentir constamment ému. Et donc voilà, je trouve que, on est bien d'accord, c'est pas drôle du tout. C'est pas ce que j'appellerais vraiment un divertissement. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était une putain d'utilisation du jeu vidéo. C'est-à-dire que là, on tombe sur un sujet qui est mature à 400%, qui est absolument pas fait pour un gamin de 10-12 ans, et qui est vraiment fait pour apporter de la réflexion à des personnes matures. Je voulais conclure là-dessus en vous demandant ce que vous en pensiez, en fait. Voir si on pouvait continuer à utiliser le jeu de cette façon. Pas pour jouer, en fait, mais pour la manière d'un film engagé ou d'un bouquin engagé. De raconter une histoire et de faire réfléchir les gens là-dessus. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, parce que tu regardes les, il y a certains jeux de vidéo qui sont sortis récemment, comme Beyond Eyes. On incarnait le personnage, c'était une petite fille aveugle, Et du coup, tous les graphismes étaient basés sur son imagination. En fait, c'est que tu commences, t'es dans sa maison, du coup, tout est fleuri, tout est... voilà, chose comme ça, et puis rencontre un chat, le chat devient son ami, et puis un jour, le chat ne vient plus, du coup, à part à sa recherche. Et puis, plus t'avances dans le jeu, plus les décors deviennent sombres, parce qu'elle se rend compte qu'en fait, bah, c'est la ville, c'est pollué, il y a des bagnoles partout, elle peut mourir. Puis ça devient vraiment glauque à un moment, et puis tu reviens à la fin, comme quoi elle a grandi, tu vois, mais tu l'as accompagnée durant tous ces... Tout ça pour dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis dans ce jeu-là, et je pense, et j'espère surtout, qu'il va y avoir encore bien plus d'utilisation à cet effet. Ouais, bon après c'est sûr, voilà, enfin, je pense pas que des jeux qui sortent comme ça à l'appel, ça serait très intéressant, parce que des jeux qui te calment comme ça, bon, tu vas pas y jouer tous les jours, clairement, mais voilà, des jeux comme ça qui sortent une fois de temps en temps, qui t'apportent un point de vue un petit peu sur la vie et sur ce qui peut arriver à d'autres gens, quoi, moi je... C'est sous forme documentaire, en fait. Non. Un peu. Est-ce qu'on pourrait dire... Ouais, documentaire très romancé quand même. Oui, oui, non, bien sûr, c'est ça reste une fiction, c'est pour ça que c'est d'un point de vue complètement impersonnel. Tu vois, tu parlais des visages qui avaient pas de. Enfin, qu'il n'y avait pas de visage, c'est très cubique. Tout est fait, je pense, pour que ça reste le plus impersonnel possible, dans un point de vue comme quoi ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, et puis, bah, juste pour en parler vite fait sur. Par rapport à moi, j'ai eu des proches qui sont décédés de cancer, et donc du coup ça a beaucoup touché, en fait, d'avoir les mêmes sentiments que ce qui était développé dans le jeu. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ouais, comme quoi, donc, c'est pas juste, voilà, de la fiction, quoi. Il y a certainement la recherche et tout derrière. Ah non, même d'ailleurs les témoignages, les lettres, tout ça, à un moment il y a un niveau, je vais pas trop spoiler parce que ceux qui veulent jouer, il y a que 5 ou 6 niveaux et ça serait dommage de pourrir la partie de certains qui voudraient essayer. Mais genre, il y a un niveau qui est rempli, en fait, de lettres. Je soupçonne le couple d'avoir mis des lettres qu'ils ont vraiment vues, en fait, à l'hôpital. D'accord. Donc, ça sonnait très vrai, toujours. Ouais. Et ben, en tout cas, merci, Adrien. Voilà, c'était le moment des primes. On s'amuse, on rigole trop la patate. Donc voilà, si vous voulez essayer franchement une expérience quand même qui change pas mal de ce qu'on a l'habitude de jouer, That Dragon Cancer, sur Steam à 14€. Voilà, 2 heures de jeu qui peuvent, je pense, apporter beaucoup à certains. Merci beaucoup, Adrien, mais par contre, je suis désolé, on va devoir retarder la prochaine chronique parce que là, il faut que j'aille pleurer toutes mes larmes dans la salle de bain. Et je reviens, ok, d'accord, ça vous va? On soucis. Fait ça comme ça? Mais c'est que c'est pas ce que tu faisais depuis tout à l'heure, en fait, là? Parce qu'on t'entendait pas. Non, d'habitude, tu l'ouvres beaucoup plus. Oh, ah, bah bravo, les mecs, hein. Ah, l'humour gras, voilà, c'est drôle. C'est ça, ravis, c'est l'ambiance. Et ben, en tout cas, ouais, merci, Adri, pour cette rubrique GIGN. De rien. Tu nous redis ce que ça veut dire? C'est GIGN, point barre. Ouais, c'est le GIGN. Et justement, en parlant d'Assassin de la Police, tu me fais une transition de ouf, mec. On va s'écouter tout de suite NTM. Ouais, template. Assassin de la Police, NTM. This is a DJ Underground exclusive. Police! Woo! That's the sound of the police! rencontrez l'équipe de Daily Games et Watch Games Media au Meldon de Paris pour les 2 ans de Watch Games. Le 23 avril, dès 18h, vous pourrez assister et participer à une émission en direct et tenter de gagner de nombreux cadeaux. NTM, assassin de la police sur Brother in Games. Et ouais, on écoute aussi des sons qui envoient un peu comme ça, qui poussent un peu le volume, il faut le monter. Et puis, il faut aussi savoir se faire plaisir après, un peu pendant ces sons-là. Et nous, la personne qui fait plaisir dans cette émission, c'est un peu celui qu'on traite comme notre esclave, mais qui l'est un peu à tout le monde en fait. C'est Benjamin qui va nous faire ses infos. Non, je vais rien faire du tout, je suis traité comme un esclave. Moi, je veux des droits, monsieur, je veux des droits. Tais-toi et travaille. très bien, je travaille, je vais travailler. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler un petit peu de Dota, un peu beaucoup de CSGO, un peu de StarCraft, un peu de Hearthstone, et un tout petit peu aussi de Heroes of the Storm, le MOBA de chez Blizzard. Alors, du coup, je vais commencer par les IEM et par Dota 2. Avec la Team Secret, donc j'en avais déjà parlé dans une précédente émission où j'avais donné toute la line-up et tout ça, qui a gagné du coup les IEM Katowice 3-1, et qui du coup deviennent les champions. Dans des games qu'ils ont, globalement, ils ont bien gardé le contrôle sur tout le tournoi, surtout en finale en fait, donc c'était vraiment, c'était très propre de leur part, une belle performance quoi. Donc ça c'était la petite partie Dota, derrière on va partir sur la petite partie Hearthstone, où c'est AKA Wonder qui a gagné, toujours aux IEM Katowice, qui a gagné 3-0 la finale. Donc là c'est pareil, ça a été super propre, super rapide. Et il a gagné, alors moi ça m'a fait marrer parce que c'est quand même là où on voit la différence entre des jeux dans l'e-sport qui sont là depuis un peu plus longtemps, comme par exemple StarCraft 2 ou LoL, ou même Dota ou CSGO. Donc le mec vient de gagner le Grand Prix, quoi. C'est vraiment une grosse compétition, et il a gagné 5000 boules. Petite 5000 bolas. 5000 bolas, 5000 dolls en fait pour être exact. Parce que je parle toujours en dolls parce que c'est un peu la monnaie d'e-sport, vous voyez. Donc il a gagné avec un deck paladin secret, classique en ce moment. Warlock, là, je me souviens plus du nom en français, pardon. Warlock Zoho et un druide midrange. Donc voilà, c'est les trois decks qu'il a utilisés, il a mis 3-0. Excuse-moi, c'est démoniste Zoho du coup. Voilà, démoniste. J'ai jamais le nom. Et paladin secret, ça s'appelle. Je vais revenir un peu par rapport à mon jeu, hein, c'est cancer. Oui, voilà, ça on sait que t'aimes pas. Bon, bref. Voilà. Donc il a gagné 3-0 contre Silvermane en finale de Katowice. Ensuite, toujours Katowice, Fnatic. Je vous avais dit que j'étais un fanboy de Fnatic ou pas? Pas sûr. Je crois, oui. T'es sûr? Dans une émission, dans une chronique précédente, je crois, il y a pas longtemps. Ah ouais, j'ai plus envie de l'entendre, du coup je réagis plus moi. Entendu qu'il était du fanboyisme, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bref, donc Fnatic a gagné les IEM Katowice en CSGO, en gagnant 3-0 contre Luminosity. Donc Luminosity, pareil, j'en avais déjà parlé dans une autre chronique, c'est une grosse équipe aussi du haut tableau, mais Fnatic c'est la numéro 1 sur CSGO là depuis novembre de l'année dernière on va dire, à peu près, donc commence à peser un peu, et notamment dans cette finale, donc ils ont mis 3 maps à 0, et il y a un moment où Olofmeister, ou Godolfmeister comme il est appelé par ses fans, qui est l'un des snipers de la team Fnatic, qui va mettre qui est en 2 contre 1, et la bombe est posée, et il va réussir à faire le double kill, a gagné la manche, alors qu'il y avait 17-16 pour Luminosity. Donc en fait, juste avec ce clutch, alors le clutch en fait c'est quand t'as une personne qui est dans une situation d'infériorité numérique, où il est pas censé gagner sur CSGO, et ça s'appelle un clutch, c'est une sorte de clash en fait. Il va gagner ce clutch, du coup ils vont passer à 17-17, Fnatic Luminosity, Fnatic va enchaîner les points, et ils vont gagner au final 3-0, donc... C'est vraiment propre de sa part, et bon après c'est un joueur qui a énormément de talent et qui est capable de faire ces actions là et qui les fait de manière régulière. Ça c'était pour mon fanboy et tout, autre chose. Ensuite, toujours sur du CSGO mais une compétition différente, c'est Counterpeat, qui est plus récente, c'était le 18 mars, 17 mars, je crois, la finale, si je dis pas de bêtises, où il y a les Natus Vincere, donc Navi, qui ont gagné les finales contre Astralis 2-1. Alors Astralis, c'est pas une équipe que je connais particulièrement. C'est, à mon avis, c'est encore une équipe un peu plus bas dans le classement, alors que Navi est une équipe qui est clairement dans le top 5, comme j'en avais déjà parlé. Donc, bon, le résultat de la finale est au final peu surprenant, quoi. Ensuite, Katowice, encore une fois, avec le MOBA de Blizzard, Heroes of the Storm, où on a vu une victoire de Dignitas, bien qu'ils gagnent dans un des jeux, quand même, parce qu'ils sont un peu à la ramasse sur LoL. Hein. C'est un peu à la ramasse aussi sur CSGO. Et là, encore une fois, le prix, qui est encore assez marrant, puisque c'est 25 000 dolls, sachant qu'ils sont 5 et que derrière, il y a une équipe. Donc, encore une fois, la différence entre les jeux d'e-sport qui sont là depuis longtemps et les jeux qui viennent juste d'arriver dans l'e-sport, il y a quand même une belle différence au niveau des prix et de la monnaie que tu peux te faire. Ensuite, WCS Winter Championships avec donc StarCraft 2, toujours au DM Katowice, puisque la finale s'est déroulée là-bas, où on a vu une victoire de Polt, le coréen, face à Snut, le norvégien, si je ne dis pas de bêtises. Alors Polt, il faut savoir que maintenant, ça fait son quatrième titre. Donc en WCS, donc le mec pèse un peu dans le game. Et Polt, c'est un mec qui est là depuis le tout début de StarCraft 2 et qui était même là sur StarCraft Brood Wars. Donc autant vous dire que c'est ouais, c'est un beau monstre, quoi, qui est assez solide. On notera quand même la performance de Snut, c'est un foreigner, donc pas un coréen sur StarCraft 2, ça fait plaisir, qui a réussi à lui mettre deux maps. Mais ce n'était pas suffisant. Et encore une fois, parce que là j'ai envie de parler de sous cette fois-ci, mais vraiment des sous. Et là par exemple, Polt est revenu chez lui avec 35 000 dolls, alors qu'il est tout seul, le game. Et enfin, la dernière petite information, petite en termes d'impact sur la scène sportive, mais énorme pour l'impact dans mon cœur, à moi, c'est la Team YP, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Merci. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, c'est vrai. Bien trop longtemps. Voilà. Et donc, Team YP, qui viennent de signer un joueur de StarCraft 2, qui s'appelle Dragon. C'est un Coréen, c'est un streamer extrêmement populaire en Corée, même ailleurs, parce que moi, je suis passé plusieurs fois sur son stream, enfin, ça fait déjà au moins un an que je suis passé dessus. Et le mec, qui en fait, c'est simple, il a beau être Coréen, il parle super bien anglais, ce qui est assez rare sur les streams coréens au final, surtout de StarCraft 2. Et le mec est super marrant, il est super agréable à écouter, super poli. Moi je le conseille parce qu'en plus c'est un énorme troll, simplement. En fait ça faisait depuis fin 2014 qu'il n'avait pas participé à un tournoi, c'est Dragon. Et parce que tout simplement il s'amuse sur son stream. C'est le genre de personne, pour ceux qui commencent un peu StarCraft 2, les Terran, donc la race humaine, peuvent construire des bases, et certaines bases en fait peuvent être transformées en une sorte de forteresse qui tire autour d'elle. Et en fait, c'est le joueur qui est en stream, au niveau Grandmaster coréen, c'est des brutes partout. Le mec va gagner une game comme ça, en construisant que des bases comme ça, en avançant vers son adversaire, en étouffant son adversaire avec ce genre de base. Donc voilà, c'est un bon gros troll, mais par contre, il a le niveau derrière. Et dans l'interview, en fait, d'arrivée sur la Team YP, Dragon dit qu'il veut se remettre sérieusement en compétition et qu'il veut prouver qu'il a encore le niveau compétitif et qu'il peut gagner des choses. Donc c'est bien, ça fait un nouveau Coréen qui, je pense, a beaucoup de potentiel et qui, en plus, ferait vraiment le renom de la Team YP si jamais il arrive à gagner, parce que, bon, voilà quoi, c'est du StarCraft 2, on parle plus de jeux de combat qui sont moins médiatisés, là on parle vraiment d'un jeu d'e-sport ultra médiatisé qui est StarCraft 2, avec des énormes tournois et un très bon Coréen. Donc moi je leur souhaite le bonheur du monde, hein. Et puis je vais laisser mon petit ami Julien reprendre la parole. Ton petit ami Julien. Moi je le savais. Moi je savais qu'il était petit. Mais oui, non mais si tu veux. On va dire ça comme ça, hein. Je ne vais pas m'énerver, je m'énerverai plus tard. Mais je m'énerverai justement en écoutant un peu de musique qui est bien sympathique. Où je serai en concert d'ailleurs, hein. Pour ceux qui écoutent et qui aiment ce groupe aussi, c'est Smokey Joe and the Kids, Slow Drag. Break. sweetheart. Daily Games. Daily Games. Listening while playing. C'était Smokey Joe and the Kids avec leur chanson Slow Drag, qui joueront d'ailleurs au New Morning le 31 mars, pour ceux qui souhaitent y aller. Donc c'est jeudi, donc allez-y. Enfin bon, voilà. Maintenant là, je suis tout excité parce que je vais pouvoir vous parler de quelque chose qui me tient quand même pas mal à cœur. Hein. C'est non seulement les mangas, vous l'aurez compris, c'est le principe de la cave asiatique. Mais non, là, c'est surtout que je vais pouvoir vous parler d'un manga ultra populaire. Ça doit être un des mangas les plus populaires qui existent. Et on va parler de Berserk. Voilà, déjà, je pose les bases. Si vous ne connaissez pas Berserk, vous avez raté un univers mais complètement angoissant, épique, mais surtout très très bien construit, quoi. Donc je vais vous parler un peu de la personne qui l'a faite. C'est Kentaro Miura qui a dessiné 36 tomes et qui est toujours en train de les dessiner. Il y a eu un animé dessus et il y a 3 films publiés par Glénat en France. Donc rien comme ça, c'est pas tous les mangas qui peuvent s'offrir une production pareille derrière. Mais bon, il faut savoir que Berserk, moi ouais, j'avais lu les premiers tomes il y a quelques années et je m'étais bien marré, mais sans plus, tu vois, je m'étais dit, oh, les mecs ils sont passés à 15 000, ils sont encore tous drogués comme c'est pas permis. Puis là, il y a pas longtemps, je suis retombé sur le site de scan que j'utilise et puis j'avais plus rien à lire. Je me suis dit, bah, tiens, vas-y, je vais refaire Berserk. Et j'ai décidé de tout refaire, quoi, de reprendre du début, voilà. Et bah, j'ai lu les 354 chapitres qu'il y a là, en 2 semaines à peu près. Et franchement, c'est juste un des meilleurs, voire le meilleur manga que j'ai jamais lu, quoi. C'est une œuvre vraiment adulte et géniale, qui se porte sur le monde, sur un monde de dark fantasy. Hein. Donc, dark fantasy, c'est genre Blanche-Neige qui part en couille, toi. Tout est mignon d'un coup, et puis là, t'as des gros démons, des gros monstres de l'ombre, des choses qui... Enfin, ça part vraiment en délire, mais comment dire, ça représente quelque chose. Et c'est ça qui fait encore plus peur, c'est que si on a un petit peu d'imagination, on peut très bien... ça peut très bien partir en cauchemar, mais... Enfin, vous allez comprendre un peu par la suite, hein. J'avais pris l'exemple de Blanche-Neige. Blanche-Neige qui part en couille, on voit genre les nains, c'est des démons, et la forêt, c'est un repère de toutes les saloperies qui peuvent exister. C'est à peu près ça le délire. Mais justement, c'est là où ça devient génial et épique au possible. Le pitch en une phrase. On suit le héros Guts, qui après plein de péripéties, se retrouve obligé de combattre les démons toutes les nuits, pour tout le restant de sa vie, juste pour survivre, car il a reçu une marque démoniaque. Du coup, Guts, qui pète du démon par dizaines, et bah, il devient tellement badass qu'à un certain point, il se transforme en berserker, et il cherche à venger ses compagnons morts. Voilà, c'est à peu près le pitch. Si je vous tronçonne l'histoire en 1000 morceaux, quoi, c'est le plus gros morceau, ce serait ça. Et c'est juste épique. Je vous ai un peu parlé du papa de l'œuvre, de ce que c'est que le dark fantasy, le pitch du manga. Du coup, vous en pensez quoi pour le moment, vous, les mecs? J'essaie de suivre, mais ça va. Non, sérieux, ça... Non, parce que c'est vraiment quelque chose, faut se dire que c'est un des mangas, je crois que j'ai... Il n'y a jamais eu plus badass que ça qui a été fait, franchement. Ouais, bah moi, c'est... Faut que je le lise. J'ai beaucoup de choses à lire en ce moment, donc du coup, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il faut que je le lise. Et c'est dans ma liste. C'est marqué. Bah, franchement, on en reparlera quand tu l'auras lu, et tu me diras ce que t'en as pensé. Pas de soucis pour cela, pas de soucis. Enfin bon, voilà, on va parler un petit peu plus de Guts, parce que bah, c'est le personnage vraiment, c'est lui qui fait tout le manga, parce que c'est lui le berserker. Le manga s'appelle Berserk, et donc en fait on doit suivre l'histoire pour vraiment comprendre comment on peut arriver d'une histoire à peu près normale au début à un pitch comme je viens de vous faire juste avant. Donc voilà. On va dire que Guts, il a eu une enfance très difficile. Donc c'était en mode, sa mère c'était une prostituée qui suivait un mercenaire. La mère est morte dans d'atroces souffrances, le père il en avait rien à secouer. Il a été entraîné à tuer depuis sa naissance en gros. Et avec des armes 2 fois plus grandes que lui. Donc c'est pour ça qu'en fait dans tout le manga on le retrouve avec une épée qui fait à peu près... Le mec il doit faire 2m30 et son épée doit faire à peu près 2m40. C'est juste un truc de malade. C'est ultra badass. Enfin bon, voilà, il a eu une enfance difficile entre les viols, les trucs comme ça et tout. Enfin, ça peut te foutre un peu en l'air, tout ça. Et puis, il a rencontré une bande de mercenaires, la bande du Faucon, qui est une bande de mercenaires très très jeune et dirigée par un mec qui doit avoir à peine une vingtaine d'années, et qui a pour ambition de créer son propre royaume. Donc voilà, au début, Guts, il veut lui péter la gueule parce qu'il l'aime pas, le mec il est fort, il essaie de le tuer, du coup bah, il est pas content. Il se fait battre, il devient le sbire de ce personnage qui s'appelle Griffith, et voilà. Il va s'en suivre plein de péripéties jusqu'à arriver au moment de l'éclipse. Là, je vous spoil un peu, mais il faut savoir que ça, on les voit dans à peu près les 40 premiers chapitres. Sur les 350, je vous assure que je vous spoil rien du tout. Mais ça, c'est juste comment dire, les points importants pour comprendre le personnage de Guts. Donc, je vous ai parlé de la Manne du Faucon, c'est là où il commence à se faire des amis, à trouver un équilibre, même tout en devenant de plus en plus puissant et de plus en plus badass, c'est hallucinant. Et il se passe des combats épiques contre des démons millénaires. Enfin, c'est franchement, faut juste le voir. Là, j'aimerais juste pouvoir vous montrer les dessins, les mecs, pour que vous compreniez d'un coup. Hein. Mais au niveau de l'histoire, après, un grand moment qui bouleverse un peu tout, c'est le moment qu'on appelle l'éclipse. Donc, c'est un moment où, en fait, l'ami de Guts, enfin le boss, qui est devenu son ami par la suite, Griffith, trahit toute son armée pour devenir un démon. Et quand je dis trahir, c'est qu'il les sacrifie tous à d'autres démons pour que lui puisse devenir un démon vraiment badass. Et les seules personnes à s'en sortir, c'est Guts et sa copine. Mais lui, il s'en sort en ayant perdu un bras, en gros, et un œil, accessoirement. Voilà. À partir de ce moment-là, en fait, toutes les trois pages, t'as une scène de combat avec des démons, enfin tu te demandes où ils vont trouver déjà les idées pour les monstres, parce que c'est vraiment varié, hein. Et puis c'est pas conventionnel. On se trouve vraiment devant des dessins originaux, et moi personnellement ça m'a vachement parlé. Quand je l'ai regardé, les combats, non seulement je trouvais ça quand même ultra violent, mais il y a certaines fois où même j'avais un peu envie de détourner le regard. Mais voilà, c'est vraiment juste les dessins, les combats et l'histoire de Guts. C'est vraiment ce que je peux vous recommander comme manga. Ce serait Berserk. Commencez avec celui-là. Non, peut-être pas avec celui-là quand même, parce que c'est un peu trash. Mais si vous cherchez, comment dire, à trouver une personne, enfin un manga qui est vraiment juste extraordinaire de A à Z, dans un univers vraiment dark, hein, il faut pas vous le cacher, et ben je vous conseille Berserk de Kentaro Miura. Manga épique qui reste au top, mais vraiment pour un public de jeunes adultes connaisseurs. Donc alors les mecs, est-ce que j'ai réussi un peu à vous vendre le pitch ou pas là ? Ouais. Comme ça donne envie, hein. Sérieux ? Ouais. Parce que là vous interrompez mais tellement pas que je sais pas si j'étais en train de vous endormir ou de vous émerveiller. Parce qu'on t'écoute religieusement. Voilà. C'est ça. Tu divulgues ta science et... Ouais, c'est bien la seule fois où vous m'écoutez en fait. J'étais en train de regarder les dessins sur internet, ouais, c'est plutôt cool. Non, franchement, ouais, c'est un très très bon manga. Et moi, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, pas loin de 400 chapitres que j'ai bouffé en deux semaines, quoi. À peu près. Je sais, je suis comme ça. Ouais, enfin bon, voilà, maintenant, les mecs, maintenant c'est fini pour moi. On ressort de la cave asiatique, qui était d'ailleurs bien dark et bien sanglante cette fois-ci. Et on va devoir se laisser. C'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour notre nouveau concept d'émission, comme on vous l'a déjà dit. Et puis, à ciao, bonsoir. Salut, salut. À lundi sur deux, l'équipe de Brothering Games vous propose un rendez-vous actu sur le monde de l'e-sport. De la scène indépendante, des jeux vidéo, des potins croustillants sur les grandes compétitions de jeux en tout genre. Et pour finir, découvrez le monde fantastique des mangas et animes japonais. Hey, yeah.